بسم الله الرحمن الرحيم ما كان في كلمة اليوم صح؟ اثنين بس الوريد وخطية بس أحسنت ندخل مباشرة في الدرس الثالث عشر بعنوان صفات عباد الرحمن صفات عباد الرحمن les caractéristiques des serviteurs du Rahman. فهذا النص مبني على آيات من سورة الفرقان فقط. C'est pas un texte, c'est des versets du Coran. نأخذ من الكلمات الجديدة طيب أولا هاونون يعني الترجمة principalement basée sur le sens du verset parce que des fois les, comme tu sais les كلمات peuvent avoir d'autres sens donc là هاونون comme ça vient dans le verset بهدوء calmement قيام معنى قائمون un pluriel قيام معنى قائمون ou plutôt قائمين parce qu'elle va venir il va être mansoub غرام مكتوب بجواري هلك la perte la mort قاتر يقتر c'est le fait d'être avare. Qawamun, c'est là, c'est le juste milieu. Athamun, c'est endosser un péché. Dans le verset, ça vient dans ce sens-là, Inch'Allah. Da'afa yuda'ifu, c'est doublé. Matab, c'est un masdar mimi, dans le sens de faire tauba. Azur, Kashaharat Azur, c'est une chose qui est mensongère, qui est fausse. عميان مكتوب جواري جم أعمى رجل دو أفغل لقى يلقي هذا في الآية يلقى أثامة يلقوني Ah, c'est recevoir, en sens. Non. Abba'a, ya'ba'u. Celui-là. La base Ibn, on avait expliqué il n'y a pas longtemps, c'était le fait de porter une charge. C'est le fait là. وَقُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ Le fait de se soucier. Attends, ils disent quoi eux ? Ouais, c'est ça. يهتم fait de ne pas donner d'importance. Hawla hada. Naam. Lizam mana lazim. Chose qui est lazim, c'est-à-dire dans le sens obligatoire. طيب قال الله عز وجل في كتابه الكريم سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما les serviteurs de Rahman, ceux qui lorsqu'ils marchent sur, qui marchent sur terre humblement, doucement, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ceux qui passent la nuit بات يبيتو c'est le fait de passer la nuit prosterné et debout pour leur Seigneur والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما et ceux qui disent notre Seigneur écarte ou détourne de nous le châtiment de la Jahannam, car son châtiment est vraiment une destruction. C'est la Rorama, c'est vraiment une chose dure. Halak, qui amène à la destruction. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Elle est vraiment quel mauvais gîte et quel mauvais lieu. Walladhina idhan. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما et ceux qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares mais plutôt qui suivent le juste milieu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما et ceux qui n'invoquent avec Allah aucune autre divinité et qui ne tuent pas la vie qui a été rendue interdite par Allah si ce n'est en droit et qui ne forniquent pas là il y a Znoun qui ne forniquent pas et celui qui fait cela en cours une punition c'est-à-dire de le fait d'endosser le péché yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhrud fihi muhana que le châtiment le sera dédoublé le jour de la résurrection, il sera éternellement avili. Illa man taba wa amana wa amila salihah, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahim. Hormis celui qui se sera repenti et qui aura cru et qui aura œuvré de bonnes œuvres, cela, Allah leur changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ الصَّالِحَ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ que celui qui se repent et qui œuvre encore aura vraiment fait une bonne repentir, un bon repentir. Voilà, c'est approximatif. وَالَّذِينَ لَيَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا et celui qui ne font pas de faux témoignages lorsqu'il passe auprès des futilités il passe de façon honorable, c'est-à-dire il ne faut pas attention. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمما وعميانا. Et ceux qui lorsqu'ils sont rappelés les versets de ton Seigneur ou de leur Seigneur ne se détournent pas sourds et aveugles. C'est-à-dire ne se détournent pas de ces versets en étant sourds et aveugles. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما et ceux qui disent ô notre Seigneur accorde-nous de nos femmes une descendance qui nous réjouira l'œil c'est-à-dire plaisante et fais de nous pour les pieux des imams des guides اولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما et cela seront rétribués des roulfas, c'est-à-dire dans le Jannah, pour ce qu'ils auront enduré, et ils y entendront salutations et salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Ils seront éternellement, et quel bon endroit et quel bon lieu d'installation. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Et dit que mon Seigneur ne se soucie pas de vous, et si vous avez été votre salat, la dua dans le sens de salat, et vous avez démenti, alors cela vous sera obligatoire. Pareil. أولاً الغد تفعل تدريب الثاني دع أسئلتين هذه الأجوبة. Le fait de donner des questions aux réponses déjà citées. الأولى نعم لا يشهدون الزور. En effet, ils ne font pas le faux témoignage. ثانياً إذا ذكروا بآية ربهم خروا سجدا. Lorsqu'ils sont à qui sont rappelés les versets de leur Seigneur, ils se prosternent, ils tombent prosternés. ثالثاً يضاعف الله لهم العذاب يوم القيامة. Que Allah leur donnera un châtiment double le jour de la résurrection. رابعاً يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم. Ils disent au notre Seigneur, détourne de nous le châtiment du feu. Tamam. Là, on va faire également le salis ensemble. Il dit حول النفي فيما يلي إلى النهي وغير ما يلزم تغييره. Tu changes la négation en interdiction et tu fais ce qui en incombe comme changement dans l'arabe. أولا لم يقتلوا النفس التي حرم الله قتلها. Comment tu vas dire? La taqtulu. Je suis obligé de changer de damir. Non, t'es obligé de changer aussi de damir. La taqtulu nafsa allati harramallahu qatlaha. Non. Donc là, le fi'l, il reste majzoum. Alors, tu jazmi haf nun. Sauf que là, tu as changé le khitab. Avant, c'était ghaib, maintenant, c'est devenu mukhatab. Thaniyan, ha'ulai la yushrikuna billah. Cela n'associe rien à Allah. Ghayiru l'ennahi. Tu l'enlèves. Ouais, tu peux mettre un toum à la rigueur. La tushriku billah. Taïb. Thalithan, hum la yashhadouna az-zour. Qui ne font pas de faux témoignages. La tashhadou az-zour. Naam. Et là, c'est en fait, il y a eu quoi comme changement dans le deuxième? En fait, la tushriku billah. En fait, j'ai vu que là, c'est un nafia. Nahia. Ça, c'est. Ah, là, ici, tu veux dire à la base. Oui. Moi, je parle dans le changement que tu as fait. Ah, ouais, la nahia, il est dans les jawazi. Ah, ouais, Idan. Donc, on enlève le noun. Hafen noun. Moi, je zombie hafen noun. Et deuxième, la tashhadu azur. Nafs al-shay. Rabihan. La yakulani amwal al-nas bil-batil. Que les deux ne mangent pas l'argent des gens vainement. La ta'kula amwal an-nasi bil batil. Ahsant. La ta'kula min asma min al-afal khamsa majzum bi la alamat jazmi haf an-nun. طيب نشوف الخامس. نفعل الان ان شاء الله كذلك. On peut aller trop avec les mots. Indana al-mahana, l'avilissement. Indana yubaddilu, le fait de changer. Mataba, c'est le repentir. Ma'ana tauba ona. Takturu, être abkhulu, être avare. Yasrif, il détourne. Azur. Fausté. Awalain a'lana al-mujrimu amam nafsihi. Que le mujrim a proclamé devant lui-même. Mujrim a proclamé. Tu peux en avoir que deux là, de toute façon. Azur. Kaif. Là. Ah, il a menti quoi. Premier là. Là. Quoi, il a proclamé son avélissement. Bah, comme dans la salade. Là. Il ne reste plus qu'un maintenant. Mais il est wadih. Les autres, c'est des verbes. Hein? Les autres, ce sont des verbes. Il ne reste qu'un seul. Par élimination, là. Mataba. Mataba, ou Ksatoba. Devant son nefs, quoi. De lui-même. Faniyan, inna iqab shahadat azimun inda Allah. Que le châtiment du témoignage est énorme, immense auprès d'Allah. Zour. Thalithan, la ala nafsik wa abna'ik. Ne sur toi-même et sur tes fils. Taqtour. Faut être avare. Rabihan, la yardo al harru al hurru afwan, que le celui qui est libre n'agrée pas. Il n'en reste qu'un seul. Mahana, d'être avili. Khamisan, sa'altu Allah an anni al bala. J'ai demandé à Allah qu'il de moi l'épreuve. Yasrif. Sadisan, lan Allahu ma bikoumin hatta yubaddilu ma bienfusihim. Que Allah ne ce qu'il y a en un peuple tant qu'ils ne changeront pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Yubaddilu. Tout simplement. Arsent. On va prendre quelques i'arabes. Wa ibadu ar-Rahman allazina yamshuna 'ala al-ard hauna. Ma i'arab hauna. هكذا؟ لا ما هو ظرف هنا سي فان جو بوجي جو بوجي سي بالا هنا بس جو بلي ما عندي سونس سي بغيت دير كان دوما حال حال تمام اذا خاطبهم الجاهلون ما يعرف الجاهلون فاعل مرفوع علامة رفعي الضمة الضمة أين الضمة على الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ما يغلب سجدا حال نعم والذين يقولون ربنا ما يعرب ربنا ما يعرب ربنا je sais pas ربنا منادى حرف النداء اللي محذوف نونفي سي فريكونس طيب دونك سي كوا سون يعرب كوا اللي منصوب لا Parce que le monada, il y a des aqsam, on a dit. Oui, c'est le aqsam. Il est mansoub, parce que... Nakira, arrête le morceau. Ou plutôt, non, moudaf. Moudaf. Innaha sa'at mustakarram wa muqama. Ma ya'lab mustakarram wa muqama. Mustakarram, yani muqama, c'est ma'touf. Sahel. il prend cet i'rab là. Aslan. Allah a'lam. Tamiz. Tamiz. Inna, c'est quoi? Inna, c'est quoi? Inna, c'est Inna. Ismuha. Ismuha, Ismuha. Wasa'at, c'est Jumla Sirliya Khabar. Wallazina la yad'ouna ma'allahi ilahan akhar. Ma i'rab ilahan. Ismullah. Ismullah, Ayla. Ayla. Moi, je vois pas de là devant ilahan. Et quand même, il y aurait un là, il n'y a pas de. Ah, ouais, le... c'est en dessous. Ah, il n'y a pas de tanouin. Ma folbihi. Ahsant. Mansoub, on transbihi al-fatha. Wa man yaf'al zalika yalqa athama. Ma ya'lab man yaf'al yalqa. ذلك يلقى أثاما. تقريبا. ومن اسم الشرط يجزم في علين وفي محل رفع مبتدا صعيدك. يفعل مجزوم باسم الشرط. هذا في الشرط. في الشرط. مجزوم. مجزوم. ورمت جزمه. نعم ذلك اسم الشارع مبني مبني على الفتح في محل يا محل في محل ماذا جزم اسم في محل جزم سي با بوسيبل هذا مفعول به يعني في محل نصب مفعول به من يفعل ذلك شوف يلقى يلقى أثاما يلقى سوف فعل أيوة فعل مضارع نعم منصوب ما هو الناصب عرب الناصب به ماذا فتحة يعني سب فتحة لا سب أن عرب الناصب إيه ليه با منصوب تفضل يبقى ألف كيف يبقى ألف عجبتها في سعلمة جزمي سحب ألف إيه بكيف يبقى مجزوم C'est parce que c'est le ism thani, hein, de... Jawab short. Ah, jawab c'est pas un ism, c'est un fial. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab short. Jawab واجعلنا للمتقين إماما جعلنا وإماما سكوا لي عرب جعلنا في الماضي مبني على السكون ماضي جعلنا في الماضي هذا مبني على السكون جعلنا في الماضي بس كده في أنا دايع اللي مبني على السكون Avec un Hamza devant. Attends, tu parles de celui-là. Allez, voir. Première lettre, elle est Sakina. c'est un fait le mardi. Il n'a pas dit ja'al, ja'alna. Il a dit id ja'alna. لكن يقول كما هذا في هذا سلسلة دعاء في في حق الله يقول دعاء. donc ça c'est faire دعاء. on dit comme ça. faire دعاء. أيوة دعاء. دعاء. مبني. على السكون. c'est ça. le نا مفعول. والفاعل يعني دمير مستتير. تقديره أنت. طيب إنا ما يعلمنا يعني ضمير متصل في مبني في محل نصب وإمامة وجعلنا للمتقين إمامة ما إعراب إمامة جعل من اي افعال لا لا لا لا لا لا لا من اي نوع أخوات ظن ما عمل ظن طيب تنصيب مفعولين وجنا الاول هو النا وانا الثاني اماما لا ما في ولا شك في هذا انا اقول لك لشخص كن مسلمه مسلمه سبت كوا خبر كان يعني كن من ابي بري وما تصرف منها ياك ليس كي جامد كي رسو صفام sinon même le اسم فاعل يعمل هذا العمل واخيرا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما حسنت مستقرا ومقاما حسنت سي لو عكس دو ساءت دونك سي كول يعرب دو مستقرا تميز لوت سي بارلي ان مال جهنم لا سا بارل ان كوا ان بيان اعلام الفير على واز فاعل C'est un fier qui est l'azim. Il n'a pas de mafoulbi. Donc si tu vois Isman Soub derrière, Alatoul, c'est un tamiz. Quand même. Tu vois qu'il est sera. Non, j'ai dit fa'oula, j'ai pas dit fou'ila. Fa'oula. Quand même. Ce qui vient à la voix fa'oula, comme a fait Kullah Azawajel. Kaburat kalimatan takhruju min afwaihim, wen yakuluna illa kadhiba. كبرت كلمة كبرت على وصف فعولة كلمة تكون صنع عرب تمييز كبرت سيان لازم لا بد نفعل به j'en ai une autre que j'ai oublié de te faire la dernière en fait في قوله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ما يعلم جهنم ما يعلم جهنم عذاب جهنم مضاف إليه كوين فتحة ما العلة نعم سكوا لدي كوز تبقى لتخوف إن شاء الله يسكوا كتن تخوفها نون بلش طيب أولا العلة هنا دو برنسيبال لا سيام متل جمو سي اون سيل شتي ايدي شدي مال علتان سي با دي مال عله لا سو سي با متل جمو سي با لا واز مفاعيل Et il n'y a pas d'alif ta'anis à la fin. Donc ça sort de ces deux-là. Maintenant, il nous en reste deux autres. Ça rentre soit dans l'alamiya, soit dans le wasfiya. C'est quel des deux, là, déjà, premièrement? Est-ce que c'est un wasf ou c'est alam? Jahannam? C'est un nom, quoi. C'est un nom. C'est un nom ou c'est une description? C'est un nom. Donc c'est alam. Taïeb, maintenant, il en reste six en dessous, dans lequel il rentre. Est-ce que c'est wazn al-fial? Non. Est-ce que c'est ziyarat alif wa noun? Non. Est-ce que c'est tarkib? Comme Hadramout? Non. Est-ce que c'est adl ala wazfu'al? Non. Est-ce que c'est ajami ujma? Je pense pas, non. C'est ujma, ça. Hein? Jahannam? Là. Est-ce que c'est Mouannath? Non, ça pas de tamoul. Jahannam, c'est quoi Jahannam? Mais il y a Jahannam. Le mec, elle a dit, c'est trop profond. Hein? Al-Jahannam, min asma mada? C'est quoi qu'on appelle Jahannam? Al-Nar. Al-Nar, fi arabia. Mouzakar ou Mouannath? La. Al-Nar, Mouannath, fi arabia. تقول هذه النار هذه النار وجهنم سبت كوا له مؤنث donc c'est quoi maintenant les illatan la première illa c'est que c'est un alamiya et la deuxième c'est que c'est مؤنث comme Maryam comme Aïcha comme Fatima sauf que là c'est pour la pire des créatures فهمت c'est un nom propre يعني جهنم من أسماء النار فهمت هذا؟ طيب خلاص نكتفي بهذا اليوم سبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك